Les nuits de France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goyenné, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Nuit spéciale, Édith Piaf. Alors devrais-je annoncer plutôt Nuit Piaf ? Après tout, l'exposition présentée actuellement à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, à Paris, dans le 13e arrondissement, jusqu'à fin août, ne s'embarrasse pas d'un prénom. Lequel prénom, sans le nom, Édith, tout court, lequel prénom eût été peut-être également suffisant pour que l'on devine de qui il s'agissait ? En l'occurrence, d'un mythe, d'une chanteuse dont on a commémoré il y a 2 ans l'anniversaire de la mort, d'une interprète dont on célèbre cette année l'anniversaire de la naissance, bref, d'une voix qui a accompagné nos grands-parents, nos parents, et dont les chansons, longtemps, longtemps, longtemps après que cette interprète a disparu, pour paraphraser une autre légende de la chanson française, dont les chansons, donc, « Cours ton corps dans les rues ». Joël Hudevol, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Ah, en votre compagnie, nous allons introduire cette longue nuit spéciale Édith Piaf, laquelle nuit nous permettra d'entendre dans un instant, dans une demi-heure à peu près, « Le bel indifférent », une version radiophonique de la pièce de Jean Cocteau, dans laquelle joue évidemment Édith Piaf, aux côtés d'un Paul Meurice muet, comme il se doit. Alors, j'ignore du reste s'il était aux côtés d'Édith Piaf dans le studio le jour de l'enregistrement, peut-être pour lui, non pas lui donner la réplique, mais pour agiter son journal. Vous savez ça, vous, Joël Hudevol ? Non, je ne sais pas s'il a enregistré avec Édith. Son silence. Nous poursuivrons alors avec l'émission La vie en Piaf, une série que Maëlys Bessery avait proposée sur France Culture au cours de l'été 2013, donc pour le 50e anniversaire de la mort de Piaf, ainsi que par La joie de vivre de la même Édith Piaf, une émission d'Henri Spade et Robert Chazal accompagnée de Jacqueline Joubert, diffusée le 18 avril 1954. Et au milieu de la nuit, Bertrand Bonnieux, qui est le commissaire de l'exposition, vous, Joël Hudevol, vous êtes le commissaire général, c'est ce qu'on dit ? Oui, enfin, on est tous les deux, voilà, les deux compères qui ont réalisé cette exposition. Voilà, alors il prendra votre place tout à l'heure, donc au milieu de la nuit, Joël Hudevol, pour compléter vos propos, pour ne pas les contredire, bien entendu. Quand on fait une exposition à deux, ce serait quand même terrible. Mais de toute manière, l'exposition est tellement riche que vous ne serez pas trop de deux pour raconter aux auditeurs des Nuits de France Culture tout ce qu'ils peuvent voir sur place et entendre, bien entendu. Alors, vous êtes historien du spectacle, conservateur général des bibliothèques, et vous dirigez le département des arts du spectacle de la BNF, et donc vous êtes commissaire général de cette exposition. Je me suis demandé, après avoir visité en votre compagnie 2 jours cette exposition, si, après avoir décidé comme ça de faire une exposition Édith Piaf, vous n'aviez pas eu soudain l'idée de tout changer il y a quelques mois et de faire une autre exposition consacrée à Lynn Marsa, qui est une chanteuse, elle aussi, chanteuse réaliste. Elle s'était produite à l'Olympia, comme Édith Piaf, et à Louis Gassion, un contorsionniste mondain. Après tout, ce couple, puisque Lynn Marsa et Louis Gassion étaient un couple, ce couple le méritait. Ah, ils le méritaient ô combien, ils sont présents dans l'exposition malgré tout, puisque ce sont les parents d'Édith Gassion, devenus en 1935 Édith Piaf. L'un comme l'autre aurait pu faire l'objet d'une exposition. Pour Louis Gassion, c'est vrai qu'on a développé la partie des origines de Piaf, de son côté fille de saltimbanque, et que ça nous a bien donné envie d'aller voir d'un peu plus près qu'est-ce que c'était que ces petits cirques dans l'entre-deux-guerres, de ces acrobates modestes qui se produisaient tantôt sous des chapiteaux du cirque, je sais pas, Napoléon Rancy ou Caroli, où a joué le père d'Édith Piaf, et tantôt dans la rue, comme le père d'Édith Piaf, dans les cafés, dans les casernes. Donc on a un peu tiré ce fil et on s'est privé d'aller plus loin. Quant à Lynn Marsa, c'est vrai que même si elle a eu une carrière assez chaotique, elle ouvre le champ des chanteuses réalistes qui sont évoquées dans l'exposition à travers les grands noms, à travers Fréhel, à travers Damia, mais on a envie de creuser aussi les seconds rôles, enfin celles qui ont une carrière beaucoup moins brillante, dont on se souvient plus, mais qui alimentaient quand même les scènes parisiennes, disons dès la fin du 19e et jusqu'aux années 30. Et même les scènes étrangères. Oui, Line Marsa s'est produite en Turquie. Ou comme Freyed, je crois, elle a fait un séjour dont on ne sait pas exactement les circonstances. Donc voilà, c'est tout un monde du spectacle qu'on n'a pas fait revivre dans toutes ses dimensions, mais qu'on a voulu évoquer, par exemple aussi sur, on a tout un petit focus sur le théâtre de l'ABC. Qui était le musical en vogue dans l'entre-deux-guerres. Et c'était une manière pour nous d'évoquer le genre de spectacle des variétés. Puisque Piaf s'est toujours produite pratiquement avec, dans la même soirée, un acrobate, un fantaisiste, une autre chanteuse, un mime, que sais-je, un marionnettiste. Et donc, ces spectacles qui sont aujourd'hui assez loin de nous, c'est un monde assez fascinant. Oui. Et puis alors, donc, Line Marsa, mère d'Edith Piaf, on parlera dans un instant un peu de la biographie d'Edith Piaf, si vous voulez bien, Jolie de Vol. Mais... Et puis, Louis Gassion, ils avaient eux-mêmes des parents, on s'en doute, et ses parents étaient aussi des saltimbanques. Alors pour ce qui est de Louis Gassion, son père était écuyer de cirque, Victor Gassion, c'est le premier de la famille. On voit des photos, je crois. On voit un article de 1908 dans une revue qui s'appelait La Culture Physique et qui nous montre en effet le physique assez avantageux de Victor Gassion et d'une de ses filles, Lise Roland, donc est son pseudonyme puisqu'elle s'appelait Louise Gassion, qui a été acrobate et qui elle a connu une carrière assez brillante pour le coup, puisqu'elle a formé un duo d'abord avec son mari, les Dilecta, puis un trio d'acrobates, le Krags Trio, dont on sait qu'il a fait plusieurs séjours à Londres et même une grande tournée de 40 semaines aux États-Unis avant la Grande Guerre. Donc quand même déjà la première de la famille qui a une renommée internationale. Et quant à Line Marsa, ses parents étaient aussi dans le monde du cirque. Et il y a un détail amusant, dans les registres d'état civil de la ville de Soissons, on a mentionné la naissance de la grand-mère d'Edith Piaf, qui, selon la déclaration de son père, est née dans la voiture de ses parents. Autrement dit, dans la roulotte, dans la caravane de ses parents, qui allait de ville en ville pour faire des spectacles, sans doute avec très peu de moyens. Avec des puces, non ? Avec des puces. Alors on dit aussi qu'elle a été dresseuse de puces et qu'elle s'est produite dans les foires avec sa fille, justement, Line Marsa, pas très loin d'elle. Donc tout ça crée effectivement un monde d'itinérance, un monde artistique pauvre, des intermittents, mais sans l'intermittence, des artistes de rue avant la lettre. Et donc, c'est de ce monde-là qu'elle vient, à la fois pour son enfance, puisqu'elle a suivi son père dans ses itinérances, et aussi je pense que ça nourrit une sorte d'imaginaire d'artiste qui est toujours le sien. Il faut se battre pour être artiste, on gagne sa vie, c'est un métier. C'est plus qu'une vocation, c'est un métier. C'est un métier familial en plus. C'est-à-dire, oui. On ne se pose pas la question de ce qu'on va faire. Si les parents sont dans le spectacle, sont dans un cirque, eh ben voilà, on vous pousse à aller chanter dans la rue. Oui, tout à fait. Edith Piaf a fait quelques incursions dans le monde ouvrier, dans des petites. Quand elle est revenue à Paris à l'âge de 15-20 ans, ça n'a pas du tout marché. La discipline du monde ouvrier ne lui convenait pas. Elle gagnait moins d'argent qu'en chantant dans les rues. Je pense qu'elle a toujours aimé la liberté de pouvoir choisir elle-même où elle chantait, quand elle chantait. C'était pas du genre à avoir un patron. Edith Piaf. Elle a été aussi donc chez une grand-mère qui tenait un bordel. Oui. Alors en fait, elle est née donc à Paris. Elle est née le 19 décembre 1915. En fait, le centenaire de sa naissance cette année. Et assez vite, en fait, sa mère s'en est peu occupée. Elle aurait été confiée à la dresseuse de puces. On dit que son père, Louis Gassion, se rendant compte de la situation un peu malheureuse de sa fille à Paris, l'a emmenée chez sa mère à lui, à Bernay, en Normandie. Et cette grand-mère tenait effectivement une maison de passe, un bordel. Et Édith Piaf a passé sans doute 4-5 ans dans cette maison-là, dans une proximité assez grande quand même avec les prostituées. Quelques tentatives d'aller à l'école, mais visiblement très discontinues à ce moment-là. Donc, élevée comme ça, derrière la cloison des prostituées, une grand-mère pas forcément sympathique et un grand-père, ancien écuyer de cirque, mâchonnant des cailloux. C'est pour parler sur scène alors, non, parce que c'est le principe. Bon, je sais pas, je pense que c'était faute de bonbons, faute de, je sais pas, c'est le seul souvenir qu'elle raconte de ce grand-père. En fait, sa grand-mère est quand même morte, je crois, dans les années 40. Elle n'a jamais renoué avec cette famille-là. Donc c'était sans doute pas une période, elle est restée proche de son père, mais elle n'a pas renoué avec sa famille normande, qui était quand même pour une partie vivante et accessible. Et d'ailleurs, je vous demandais, Joël Audeville, si vous n'aviez pas envie de faire une exposition sur Lynn Marsa et Louis Gassion, mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas de disque de Lynn Marsa. Oui, en effet, elle n'a jamais enregistré. Elle n'existe pas si on n'a pas de disque au XXe siècle. Ça n'existe pas. Effectivement, enfin, je dirais qu'on existe peu, en effet, et que ce qui fait, par contraste, la notoriété de Piaf, c'est qu'en fait, toute sa carrière, depuis 1935 jusqu'à 1963, est documentée par le disque. Et donc, c'est vraiment un des éléments clés de sa notoriété, c'est qu'on peut l'entendre depuis les mômes de la cloche jusqu'à « Non, je regrette rien » pendant toute sa carrière. Alors, vous avez dit qu'elle était née à Paris, Jolie de Vol. Vous ne nous avez pas dit l'adresse parce que vous ne la connaissez peut-être pas. Si, ou en tout cas, vous ne voulez pas nous faire de peine. C'est-à-dire, vous ne voulez pas que la prochaine fois qu'on passera rue de Belleville, je ne sais quel numéro, et qu'on voit la plaque « Ici est née Édith Piaf » sur les marches de ses... Du 72. 72, dont la voix allait émouvoir le monde entier. Enfin bref, non, elle n'est pas née là. Et elle n'est pas née là, même si elle l'a raconté, elle a aimé le raconter. D'autres ont repris cette légende. Elle en a d'ailleurs rajouté, c'était au cœur de l'hiver, en effet, 1915. En pleine guerre, elle ne l'a pas inventé. En pleine guerre, sa mère descendait les marches et elle a accouché sur les marches. Des agents de police passant par là ont accueilli le nouveau-né dans leur pèlerine. Donc tout ça est une belle légende. Et c'est Maurice Chevalier, je crois, qui a découvert la plaque au début des années 70, au 72 rue de Belleville. Mais elle est née, comme tous les petits-enfants du 20e, à cette année-là, à l'hôpital Tenon, derrière la mairie du 20e. Alors, puisqu'on est dans les dates et les légendes, donc elle n'est pas née rue de Belleville, elle n'est pas morte à Paris non plus. Elle n'est pas morte finalement le même jour que Jean Cocteau, à quelques heures près. Elle est morte la veille. Jean Cocteau ne l'a peut-être même jamais su. Si, il l'a su, il en a parlé. Il a été interrogé par les journalistes. Il a réagi. Oui, il alors, est mort ce, quelques ce heures dire, après. Oui, il n'a pas su qu'elle n'était pas morte à Paris. Voilà, et puis il n'en est... On ne peut pas dire qu'il en est mort, voilà, comme la légende s'en est emparée aussi. Et effectivement, elle est morte dans le sud de la France, mais il n'était pas... imaginable qu'une chanteuse aussi caractéristique, aussi emblématique de Paris meure ailleurs qu'à Paris. Et donc, Daniel Bonnel, qui était sa confidente, sa secrétaire, et Marc Bonnel, qui était son accordéoniste, ont fait le choix, l'infirmière qui suivait Piaf, de ramener le corps à Paris et d'annoncer qu'elle était morte, boulevard Lannes, qui était le dernier appartement qu'elle a habité. Alors voilà, pour le début et voici pour la fin, naissance et mort. Mais c'est vrai que le reste de la vie d'Édith Piaf, on a l'impression de tout savoir, en tout cas grâce à vous, grâce à ces expositions, mais il y a eu des livres, il y a eu des biographies, il y a eu des films, comme chacun sait. Comment peut-on être une légende et un mythe alors que finalement, on peut tout savoir, parce qu'il faut quand même un petit peu, pour créer la légende et le mythe, il faut qu'il y ait un petit peu de mystère. Alors, je dirais que c'est deux chemins parallèles. Il y a le chemin des historiens, et là, il faut rendre hommage à Robert Bellerey, qui a publié il y a quelques années une somme sur Édith Piaf qui sera difficile à surpasser et qui nous a servi à Bertrand Bonnieux et à moi de livres de référence. Il a vraiment exploré les archives avec beaucoup de méthodes, et d'ailleurs, il a une très belle plume, donc ce qui ne gâte rien. Mais cette voix des historiens, en fait, elle ne peut rien contre la légende. D'abord, la légende, elle a été accréditée par Piaf elle-même, soit elle a elle-même inventé des épisodes, soit on l'a poussée à raconter des choses. Et d'ailleurs, elle disait, le public doit connaître la vie des vedettes, ça fait partie du jeu, et du coup on doit lui raconter des histoires sur les vedettes, tant pis si elles sont plus ou moins vraies. Le mythe d'une vedette se construit aussi à travers sa biographie. Elle en a même rajouté, enfin ça l'amusait, puisque c'était quelqu'un quand même de très rieur, de très joueur, sur par exemple l'épisode qui, selon lequel elle a été malade des yeux pendant son enfance à Bernay. Quasiment aveugle. Voilà. Alors, Robert Bellerey, justement, explique très bien que c'était sans doute une kératite qui a duré quelques semaines. Et donc, on aurait invoqué Sainte Thérèse de Lisieux, la voisine, pour la guérir. Et dans l'émission que vous avez annoncée tout à l'heure, elle raconte qu'elle a été aveugle complètement pendant 4 ans. Donc, c'est un jeu de vie. Voilà. Mais je pense que ça lui... Il y avait une forme de jouissance à raconter ça. Et puis après... C'était peut-être pour ne pas voir ce qui se passait dans la maison close en question. Oui. Oui, tout à fait. C'est peut-être très, très symbolique, très profond. C'est un moment clé de sa vie, puisque ça fonde ses relations avec le bon Dieu, comme on le dit dans l'exposition, avec la religion. Parce que ce qui est resté, ce qui est vrai, c'est sa foi qui a été forte toute sa vie. Et puis je pense que c'est de la faute à Piaf, puis c'est aussi de notre faute à nous, parce que on a envie d'y croire. Enfin, c'est plus drôle de penser qu'elle est née. Donc, les fans, les admirateurs ont envie d'alimenter la légende. Et je dirais que l'autre bout de la légende, c'est le film d'Olivier Dahan, c'est la môme qui, même si il essaye de se tenir à une certaine fidélité historique, mais quand même, reprend les grands événements, la maison de passe, tout ça, consolide d'une certaine manière la légende de la petite fille des rues devenue la grande vedette internationale. De toute manière, les chansons qui elles, nous marquent, puisque voilà, en 3 minutes, on entend une espèce de roman, en tout cas de nouvelles, et on a l'impression que c'est une biographie chaque fois, même si elle parle à la troisième personne, elle parle d'elle, ce qui est une erreur de notre part, bien entendu, mais c'est un peu le principe, c'est un peu la relation qu'on a avec les chanteurs ou les chanteuses de variété. Effectivement, dans ses chansons, il y a plus que dans sa vie, d'une certaine manière. Mais il y a beaucoup de sa vie quand même, puisque, comme elle le dit elle-même, puisqu'elle chante beaucoup de chansons d'amour, ce qu'elle met comme énergie, comme sensibilité dans ses chansons, c'est aussi son intimité amoureuse. Et donc, c'est pas si faux d'entendre Piaf. Personne privée à travers de Piaf chanteuse. Alors que voit-on, Joël Hudevol, dans cette exposition ? Donc on entre à la BNF, donc le quai François Mitterrand. Quai François Mauriac, mais François Mitterrand. Voilà. Ils viennent à peu près de la même région, ou sont arrivés à Paris dans le même, au même endroit voilà. Du côté de la rue de Vaugirard. Voilà. On est accueilli en fait par une Piaf révolutionnaire dans un film d'un réalisateur qui serait un révolutionnaire. Et alors, comme Piaf et Guitry n'ont pas été les plus grands révolutionnaires, l'époque de la guerre. C'est vrai. C'est amusant quand même. Voilà, là aussi, on est dans la légende. On a voulu, par cette première partie qui s'intitule « Femmes du peuple », justement poser la question, à travers cet extrait de « Si Versailles m'était compté », de pourquoi, dans l'imaginaire collectif, dans les années 50 notamment, puis encore un peu aujourd'hui, Piaf, c'est la femme du peuple, alors que Bah, elle n'est pas fille d'ouvrier. C'est pas une militante, elle a pas du tout eu de sympathie pour les mouvements, voilà, ou syndicaux, ou communistes, etc. Comment s'est construit ce mythe-là ? Donc c'est ce qu'on essaye de décomposer, et finalement c'est cette image de Édith Piaf sur les grilles de Versailles, chantant la Carmagnole, étant la révolutionnaire idéale de 89, ça nous a semblé être la bonne image pour poser la question. Filmé par Guitry. Alors, c'est pas le seul, évidemment, rapport avec de Piaf avec le cinéma. Quels sont les grands films, s'il y en a, qu'Édith Piaf a tourné ? Alors, Piaf a tourné 9 films. Elle a principalement tourné des films dans lesquels elle jouait le rôle d'une chanteuse, et d'une chanteuse modeste devenue une vedette. Je dirais que la rencontre peut-être la plus féconde, c'est avec Marcel Blisten, qui lui a notamment permis de tourner un film qui est sans doute un des plus réussis, Étoiles sans lumière, dans lequel elle joue une chanteuse qui est une anonyme qui est engagée pour doubler une actrice du cinéma qui, au passage du muet au parlant, a besoin de se faire doubler pour la chanson. Et donc elle, évidemment, au bout d'un moment, le talent de Piaf fait que... Prendre le dessus. Et il y a un moment très émouvant où donc on demande à cette chanteuse d'enregistrer, évidemment, et donc elle s'écoute pour la première fois. Elle s'écoute et voilà, c'est l'étonnement, elle ne reconnaît pas sa voix, et comme dit le preneur de son, qui n'est autre que Serge Reggiani, la première fois, on ne reconnaît jamais sa voix. Et ensuite, il lui montre dans la cabine la bande sur laquelle on voit les traces, et donc elle est comme séparée de sa voix. Je trouve cette scène... absolument vertigineuse, finalement. Et même si c'est de la fiction, ça nous parle de Piaf, quand même. C'est un des extraits de films que l'on peut voir dans cette exposition Jolie de Vol. D'autres films ? Donc, dans ce film, il y a aussi la célèbre scène avec Yves Montand. On peut parler aussi de Montmartre sur scène de Georges Lacombe, qu'elle a tourné, alors juste avant d'ailleurs, avant Étoiles sans lumière, qui là est intéressant parce que ça rattache Piaf à Paris, comme un autre film sur Paris qui est Paris chante toujours. Et il y en a un troisième d'ailleurs, Boom sur Paris. Donc vous voyez, Piaf et Paris, on s'en sépare pas si facilement. Et Paris chante toujours est assez emblématique de cette relation de Piaf à Paris, puisque elle y chante Hymne à l'amour devant Notre-Dame, après Tino Rossi qui chante devant Montmartre, Luis Mariano sous la Tour Eiffel. Donc c'est Piaf, monument de Paris. Alors Piaf et Paris, avez-vous dit, je voudrais qu'on écoute les Amants de Paris. De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points, alors ce n'est pas une chanson que l'on trouve dans un film avec Édith Piaf, mais on la trouve, Joël Hudvol, dans le film La maman et la putain de Jean Eustache, puisque Jean-Pierre Léo l'écoute intégralement. C'est pas une musique, ce qu'on appelle une musique de film, c'est-à-dire évidemment il n'y a pas de musique de film dans La maman et la putain, il y a des chansons que Jean-Pierre Léo écoute. Il écoute aussi Damia, si mes souvenirs sont bons. Mm-hmm. Bon, en tout cas, il écoute Piaf avec plaisir, comme ça, il fait le chef d'orchestre. Elle est dans les imaginaires collectifs, finalement. Voilà. Ah oui, elle pourrait être dans de très, très nombreux films écoutés, c'est-à-dire que des moments où on écoute des chansons. Alors, donc on a dit il y a une salle, parce qu'il y a plusieurs salles, il y a quoi, une dizaine de salles à peu près, il y a même du karaoké, on peut faire du karaoké chez vous. Il y a quatre grandes parties qui sont scénographiées comme un parcours entre donc thématiques, la femme du peuple dont j'ai parlé, la voix qui est le cœur de l'exposition, qui est une grande salle rouge, l'amour, on ne peut pas faire autrement que de parler d'amour avec Piaf. Et puis la dernière partie qui est la légende. Et à l'intérieur de chacune de ces parties, il y a des sous-parties, même si tout ça est très fluide, parce qu'on a eu la chance de travailler avec une agence de scénographie qui s'appelle Je Formule, et qui nous a justement aidé à créer des univers successifs grâce aux couleurs, aux formes, et donc le public est immergé dans différents mondes piafien ou piafesque, et il peut effectivement être actif. D'une part, il écoute beaucoup, hein, il est immergé le son de l'audioguide. Il y a une cinquantaine de chansons à écouter, et puis le son d'un certain nombre d'audiovisuels est dans l'audioguide aussi. Et puis, on a pensé que ça serait trop frustrant si, venant à écouter Piaf, on ne pouvait pas pousser soi-même la chansonnette et même s'enregistrer, s'envoyer ça chez soi pour faire écouter à sa grand-mère, à ses parents, à ses copains. Et vous allez écouter ça? Vous allez écouter les gens, Joël Hudvall, qui... Ah, de temps en temps, on tend l'oreille et on se rend compte qu'il y a des belles voix. Il y a quelques fausses notes hein, dans cette boîte de karaoké, mais il y a aussi des gens qui sont portés par le répertoire de Piaf. Et puis alors, soudain, comme ça, au détour d'une salle, on peut voir un petit texte de Roland Barthes. Là, on saute dessus, bien sûr, quand on travaille à France Culture. En fait, on était très heureux de découvrir que Roland Barthes avait fait, en 1948, quand il était à Bucarest, à l'Institut français de Bucarest, une série de cours sur la musique, et que dans cette série de cours, de conférences, il y avait une conférence sur la chanson populaire parisienne, dont le sujet principal était Édith Piaf et Yves Montand. Il parle un peu de Charles Trenet au début, mais il évacue assez vite l'artiste parce qu'il trouve que c'est superficiel. Mais en revanche, il approfondit la question Piaf-Montand, les deux versants de la chanson populaire parisienne, le versant noir avec Piaf, la petite femme qui, comme toutes les petites femmes de Paris, se lève le matin, se bat, va travailler, donc très volontaire, qui chante la détresse aussi d'un peuple pauvre, et le côté, le bon gars montant, plus lumineux, qui chante aussi la joie de la vie populaire des quartiers comme Ménilmontant ou Belleville. Et c'est vraiment, ce sont des notes, mais qui se lisent avec beaucoup de bonheur. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au donc il écrit à l'encre, et puis de temps en temps, au crayon bleu, il y a le titre d'une chanson. C'est parce qu'il passait des disques, vous voyez, il faisait un peu comme vous aujourd'hui, il notait, là je vais passer le pauvre nègre, je vais passer l'accordéoniste, donc on l'imagine avec ses 78 tours successivement faisant écouter des chansons au public. Et c'est sans doute finalement la première analyse un peu distanciée de l'art de chanter d'Édith Piaf, ce que beaucoup ont écrit sur elle avant, mais plutôt des journalistes écrivaient dans la presse des comptes rendus de ses tours de chant. Là, on a affaire à déjà un point de vue beaucoup plus construit sur ce que représente Piaf pour le peuple de France en 1948. Et ce texte a été édité ? Non, ce texte est inédit. Il fait partie du fonds Barthes du département des manuscrits de la BNF. Et le trouve-t-on dans le très beau livre Alors, dans Piaf dans le catalogue, on a reproduit deux pages, celles qui sont exposées. C'est une conférence qui se déploie sur 11 pages. J'espère qu'un jour, ça fera l'objet d'une publication. Il y a d'autres textes que vous connaissez de Roland Barthes sur la voix. Et il cite même Piaf dans les fragments du discours amoureux. Sûrement, on peut se référer. Voilà, alors juste à un endroit, mais donc il y aurait quelque chose de peut-être à construire autour de cette idée de Barthes et la voix. Oui, il y a peut-être un spectacle à faire comme ça, avec un qui pourrait être le comédien jouant Roland Barthes, qui est un centenaire aussi. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans l'allée Julien Quint, jouxtant l'exposition, une présentation des manuscrits de Barthes, enfin une sorte de performance scénographique. Alors, on va pas voir cette exposition qui est très très belle, qui est très instructive. Piaf, uniquement pour lire des textes, des petites notes de Roland Barthes, mais c'est amusant. Et puis on peut aussi voir Marguerite Duras. Oui, on peut voir Marguerite Duras à travers une lettre très émouvante qui fait allusion à la chanson « Les mots d'amour », qui est une lettre qu'elle a écrite à un comédien qui est aujourd'hui toujours actif, qui est une école, Stéphane Auvrenoroy, qui était un admirateur de Piaf. Et un admirateur de Marguerite Duras dans sa jeunesse, et qui entend un jour ou voit Savannah Bay, dont le motif musical principal est les mots d'amour de Piaf. Donc devant cette conjonction des deux femmes qu'il admirait beaucoup dans une même œuvre littéraire et dramatique, il écrit spontanément à Duras pour dire vraiment mais comment ça se fait, mais c'est formidable, mais je vous admire, j'admire Piaf. Et donc elle lui répond, et d'ailleurs elle... En disant je ne réponds jamais, mais je vous réponds. Je vous réponds parce que vous êtes très jeune et ça m'a ému. Et elle lui dit à propos des mots d'amour que si elle l'a choisi, c'est parce que c'est le chant d'amour le plus violent qu'elle connaisse. Donc, on a souhaité montrer que, comme ça, il y avait des Piaf habitait des esprits très très différents, de Barthes à Duras, en passant par de nombreuses reprises de chansons chez des artistes d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué, Joël Ludvold, comment se promenaient les spectateurs, enfin les visiteurs, dans cette exposition? Parce que je pense qu'on peut revenir sur ses pas, enfin comme dans chaque exposition, vous allez me dire. Mais puisque c'est thématique, en effet, non pas chronologique, on a envie de comprendre mieux ce qu'on vient de voir par ce qu'on a vu auparavant et de peut-être cette Tout éclaire un peu, chaque vitrine peut éclairer la suivante. Alors, je ne sais pas si le public revient vraiment en arrière, mais il est assez libre de le faire quand même, quelques-uns le font. Et y a aussi une relative souplesse à l'intérieur de chaque grande partie pour faire un peu son chemin dans la partie, pour aussi prendre son temps. On a volontairement mis des sièges à certains endroits, alors qu'ils sont parfois pour pouvoir écouter confortablement un entretien, une interview qu'on a choisi dans les archives ou qu'on a faite pour l'exposition, mais aussi simplement pour pouvoir se poser, regarder les grandes photos, par exemple, de la deuxième partie, ou alors s'installer sur les grands poufs de la partie sur l'amour et écouter des chansons d'amour, rêver à ses amours perdus ou à son amant de demain. Et les âges, alors sont... Alors là, franchement je m'attendais à quand même majoritairement un public, de gens relativement âgés qui peuvent être dans une forme de nostalgie Piaf, et ils sont là, et on en est très heureux, et ils sont pas forcément dans la nostalgie d'ailleurs, il y en a qui vont dans le karaoké, et qui chantent avec ardeur, mais il y a aussi un public d'adolescentes, et d'ailleurs c'est frappant comme les chansons de Piaf sont très présentes sur les sites de chansons des 15-18 ans, ou 12-18 ans, et puis un public international aussi, déjà espagnol, européen, mais aussi anglophone. Donc, parce que ça nous donne la mesure de sa renommée persistante vraiment dans le monde entier. Je pense qu'avec Bertrand Benieu, plus tard dans la nuit, nous parlerons justement beaucoup de cette discographie d'Edith Piaf. Et puis, en effet, le monde entier l'a connu. Enfin, c'est arrivé, c'est pas arrivé dans les années 30 ni 40, c'est plutôt arrivé, les 10 dernières années sans doute. Oui, elle en fait sa première tournée aux États-Unis, c'est en 47. Ça se passe d'ailleurs pas forcément très bien au début. Euh, elle, elle met un petit peu de temps à faire son trou, mais ensuite, progressivement, effectivement, elle construit une carrière internationale. Je dirais qu'il y a un changement, c'est-à-dire de son vivant, on était vraiment sur l'Amérique du Nord, un peu l'Amérique du Sud, puis l'Europe, et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène planétaire, et par exemple l'Asie, la Chine, le Japon, nos amis de ces régions-là, adorent Piaf. Bon, écoutez, vous avez parlé de la petite femme de Paris noire, enfin le côté noir, alors je pense qu'avec les blouses blanches, on sera vraiment dans une chanson... terrible, hein. Mais on va terminer avec vous, Jolie de Vol, avec cette chanson. Et puis, par la suite, donc, on écoutera Le Bel Indifférent de Jean Cocteau. C'est une réalisation de Roger Dasty, diffusée sur la chaîne nationale en 1946. Puis, La vie en Piaf, départ de Padame par Maëlys Bessery. Et puis, en passant par Berlin, la chanson Sous l'occupation, toujours dans cette série La vie en Piaf. Ensuite, nous rencontrerons Bertrand Bonnieux. Puis, nous écouterons La joie de vivre d'Edith Piaf, une émission de 1954. Mais donc, on écoute cette chanson assez effrayante que sont les blouses blanches. Ça fera bientôt 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater, la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. Ah non, c'était une robe, petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil tout autour des fleurs, et dans sa main, elle, il y avait une main. Une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Encore les blouses blanches, ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé.